Les Sud-Coréens font éloge du général Kim Jong-il. Le commentateur politique Moon Moo-jong a indiqué qu'il est impossible de parler aujourd'hui de la gloire et de la fierté de la Nation du Soleil à l'écart de la politique de Sun Gun du général Kim Jong-il, commandant prestigieux sans pareil du Baekdu, qui a défendu fermement au moyen des forces armées la dignité et la souveraineté de la nation, la paix et la sécurité du pays. L'écrivain Yoo Song-jin et Kim Jin-soo, membre de l'association pour comprendre correctement le Nord, et d'autres habitants sud-coréens de différentes couches, ont souligné que pendant toute sa vie, le général Kim Jong-il a considéré le peuple comme son dieu et s'est mêlé toujours au peuple. Ils ont affirmé que le dévouement désintéressé du grand homme sans égal, qui a créé un monde du peuple heureux par ses inspections inouïes dans l'histoire, sera transmis à la postérité. Faisons remarquer que la cause de la révolution de Sun Gun du président du Comité de la Défense Nationale Kim Jong-il continue brillamment grâce au commandant suprême Kim Jong-un. Les presses internet sud-coréennes ont glorifié le dirigeant suprême Kim Jong-un.